Puis tu le mets pas mes mais c'est ça, ça a sorti du bon écœurus. Plus j'y mords encore plus fort, je creuse la mort, je me perds dans tes cheveux, je me saoule dans tes yeux, même si le diable m'en veut. Un peu de vin et tout mon temps dans le coffre à guerre. J'endais sur des routes de pluie, je me sépare encore de toi. Voyons, Griff, fais ça. Voilà. J'endais sur des routes de pluie, je me sépare encore de toi. 500 000, je regarde ma vie, sens-tu encore là pour moi? The third bar, and copy it to the seventh bar. Can you hear that? Three, four. Section B3 was fucking good. It was really, really, really good. Le change est sur le 4, tu sais, comme la note de passage est sur le 4. Fait que pas obligé de le faire à tous les coups, mais si tu veux le faire, c'est le 1, 2, 3, 4. Ça, justement, je trouve ça très cool là, d'appuyer ça. C'est ça, moi, je pense, c'est d'accentuer les gros coups. Puis même mettre des passes. Ah, sacré, Eric, hein? Moi, ce que je ferais, Eric, là, c'est que là-dedans, c'est ce qu'on vient de faire. Sans trop en mettre, mais quand on les moi, je fais ça, moi. Ah, c'est bon, ça. Oui, comme si un chef d'orchestre, il ferait pas. Ah, il va chanter, là. Il va bien chanter à un moment donné. J'ai assez hâte. Oui, Eric. Ce serait bon, ça serait que tu dises qu'est-ce que les morveux font, là. Ils se mordent. Tu gagnes? Non, ils se mouchent. Ils se mouchent? Que les morveux se mouchent. Ça serait bon, une tonne, ça, man. Ça serait cœur, hein. Ça serait cheur, hein. Pas dans cet album-là, mais le prochain, là, c'est sûr que je le mets. Oh. Check les petits bras. Ben oui. C'est beau. Que pour jouer du drum, il faut frapper. On rappelle que Fred m'avait acheté 197 cents. Au départ, le prix qui était suggéré pour l'objet, c'était de 16,99. Mais avec le temps, ils ont rajouté des stickers. Ils avaient une bonne épaisseur de stickers et on était à 97 cents. C'est merveilleux. Je suis sûr qu'ils rentrent dans leur argent, ben hey, sûrement. Ça coûte pas cher, du plastique. De toute façon, il est riche, lui. Ouais. Il s'en fout, il a plein d'argent. Il fait ça pour son public. Oui, il fait ça pour son public, quoi. Vraiment pas ça pour payer ses dettes de drogue, là. De jamais. Non, non, il y en a plus. Nous autres. Il y en a plus de dettes de drogue, lui. Il y a un enfant, pis tout. Non, ouais, il est clean. C'est lui qui a avant, c'est un. Du café. Très bonne track, ça. Avec l'amertume. Si j'aime ça, c'est les voix de la...